bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Bonjour les amis, comment ça va? Bienvenue dans le Lobster 156.0. Bonjour! Bon, on déconne. Bonjour, bienvenue. Ouais, bon, ça commence bien. Bienvenue dans le Lobster 156.0. Et oui, déjà de retour cette semaine. Bon, on fait le suivi sur le film Katal dont je vous avais parlé dans le dernier Lobster. Un film indien où une inspectrice devait retrouver un fruit du jockey. Donc, on parle de ça cette semaine. J'ai terminé d'écouter le film et j'ai bien aimé. Oui, pas autant que La Patasse Ladies, mais bon, un bon film. Donc, je vous en parle tantôt. Quoi d'autre? Dans ce Lobster, on parle aussi de Mike Tyson qui a brisé Netflix. Et oui, hier soir, il y avait le combat de Mike Tyson contre Jake Paul sur Netflix. Puis, on en parle un petit peu tantôt. Moi, ça m'a quand même impressionné. Là. Pas Mike Tyson, mais je vous parle des deux femmes qui ont combattu avant. On en parle un peu plus tard. Et oui, et sinon, gros sujet. Et oui, gros développement dans ma saga là, des artefacts maudits. J'ai été vendredi jouer à Star Wars. Le vendredi soir, parfois, je vais jouer au jeu de cartes Star Wars dans une boutique. Et quand je me suis rendu à cette boutique-là, je suis arrêté avant chez Renaissance pour voir s'il y avait des objets à vendre. Il n'y avait rien d'intéressant, mais la boutique où je vais jouer, elle se trouve à Vaudreuil. Donc, en me rendant à Vaudreuil, je suis passé devant l'actuel qui est l'équivalent de Renaissance. C'est un petit peu plus gros, puis ils vendent toutes sortes de cochonneries. Puis là, j'ai trouvé un nouvel artefact qui m'a comme attiré. J'étais dans la section, il y a comme une section où ils mettent des objets derrière une armoire, puis c'est barré, il faut demander aux gens de venir ouvrir. Puis il y avait une grosse boîte qui m'intriguait. Puis bon, la boîte était vraiment chère, là. C'était une boîte ancienne en métal, puis je sais pas à quoi elle sert. Dedans, on l'ouvrait, puis il y avait comme des compartiments en métal, en forme de cœur, en forme bizarre. On tirait sur les compartiments, ils se retiraient, puis dedans, je sais pas s'il y avait des cendres ou c'était pour faire brûler quelque chose. Bref, c'est une belle boîte, je sais pas si je devrais aller l'acheter, mais 40$, là, ça me tentait pas de payer ce prix-là pour une boîte en métal ancienne. Mais juste à côté de cette boîte-là, il y a quelque chose qui a attiré mon œil. Puis ça me disait « achète-moi, achète-moi, achète-moi ». Puis bon, j'ai succombé, je l'ai acheté, mais j'ai aucune idée c'est quoi. Mais c'est très puissant, c'est un... Ben, en gros, ça ressemble à un... C'est un objet qui est fait en métal, puis qui est comme plaqué en argent ou en zinc. C'est comme un contenant avec une poignée, comme une pelle pour ramasser des cendres. Puis dedans, il y a une autre mini-pelle qui est grosse comme un pouce. Puis elle aussi en forme de petite pelle, puis on dirait que c'est pour ramasser. En tout cas, je sais pas à quoi ça sert. J'ai demandé à mon père, à mes parents, s'ils savaient c'était quoi. Puis mon père a émis l'hypothèse que c'est peut-être pour faire brûler de l'encens, puis que le petit gadget, c'est pour ramasser les cendres. Donc peut-être un objet religieux, mais bon, j'ai eu la confirmation aujourd'hui, le lendemain de l'achat, que c'est un objet maudit. Genre, la veille, on parlait de cendres, eh bien, je vous en parle tantôt, mais... Bon, à cause de cet objet, il y a une maison qui a brûlé. Donc, on part en musique, puis au retour, je vous parle de ce puissant artefact. Qui, je l'espère, ne mettra pas le feu chez nous. Donc, on part en musique, on écoute Lucien Francœur. Lucien Francœur est décédé cette semaine ou la semaine passée. Je l'aimais bien, c'était un chanteur, un poète, quelqu'un... Qui aimait bien, que moi j'aimais bien dans ses chansons, je sais, puis là j'hésitais lesquelles vous faire passer, puis allons-y avec une de ces que j'aime bien, le Rapabilly, c'est un classique, donc Lucien Francœur qui nous a quittés dernièrement. Bye.

J'en ai un autre que c'est une photo, la seule photo qui existe du petit chaperon rouge. Bref, c'est des photos anciennes, puis j'écris des choses en arrière. Puis ça fait partie de mon kit. Puis là, j'ai mis mon nouvel objet maudit avec ça. Je me suis dit, proche de mon chapelet qui est béni, ça va, bon, réduire. Parce que j'avais l'impression, déjà hier soir, que c'était un artefact maudit. Si je mets ici, il m'attirait. C'est un peu comme... Pourquoi il m'attirait? C'est un peu comme dans la série La boutique aux maléfices. Je ne sais pas si vous écoutiez ça quand vous étiez plus jeune. Ça se nommait, en anglais, c'était Friday the 13, Vendredi 13, mais ça n'a rien à voir avec le fameux film là, Vendredi 13 puis Jason. Non. C'était ça le nom, ou sinon en français, c'était L'entrepôt du diable, ou moi je l'ai connu sous le nom de La boutique aux maléfices. Ça jouait le samedi matin, il me semble. Et bon, qu'est-ce qui se passait là-dedans? C'était qu'il y avait comme un monsieur qui avait cette boutique-là au maléfice. Il avait passé un pacte avec le diable. En échange de quoi le monsieur, lui, gagnait quoi? Il gagnait fortune et immortalité. Mais en échange, il devait vendre les objets que le diable, les objets de sa boutique, mais le diable les avait rendus comme des artefacts maudits. Donc, les gens qui venaient et qui achetaient ça, souvent, ils mouraient, il leur arrivait des choses pas le fun. Mais le monsieur, bon, finalement, il a décidé de lâcher ça, d'arrêter ça. Donc, comme il a rompu son pacte avec le diable, il est décédé, il est mort. Mais là, ses deux neveux, un gars et une fille, ont repris la boutique. Puis il y avait un autre monsieur là-dedans aussi, lui, je ne sais pas c'était quoi le lien de parenté. Mais bref, ses neveux, dans l'émission, essayaient de retrouver les objets maudits qui avaient été vendus grâce au livre de vente. Là, ils savaient que leur oncle avait vendu tel objet à telle personne. Ils essayaient toujours, dans chacune des émissions, de retrouver un de ces objets-là. C'était le sujet de l'émission. Et évidemment, dès qu'ils s'approchaient de l'objet maudit, il y arrivait des choses. Puis bon, ils finissaient toujours par le neutraliser. Je ne me rappelle pas comment ils le neutralisaient. Mais bon. Ah, OK, je lis sur le wiki que le monsieur, que je connais pas, il dit « Ils seront aidés de Jack Marshak, un spécialiste des sciences occultes et un ami de Lewis. » Donc, lui, c'était un ancien ami du monsieur qui avait la boutique au départ, puis qui est décédé, Laurent. Donc, voilà, c'est ça, c'est à ça que ça me fait passer, ce qui m'arrive maintenant. Je suis comme en quête d'artefacts maudits. Est-ce que j'y crois? Non. Je fais ça pour le plaisir, mais il arrive toujours des choses avec mes objets maudits. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé avec mon objet qui sert justement aux cendres? Je m'en vais m'asseoir dehors sur ma galerie. Il faisait beau aujourd'hui, il faisait 10. On est le 16 novembre aujourd'hui, au moment où j'enregistre ce Lobster. Et j'étais assis dehors pour lire le livre. Je vous le dis, c'est quoi le livre? Ça s'appelle La flotte perdue de Jack Campbell. Ça, c'est des livres, avant que je parle de l'artefact, je vous dis, si ça vous tente de lire une série dans le style de Battlestar Galactica, je ne sais pas si vous avez vu la série, là, c'est vraiment bon. C'est une série où bon, la Terre est attaquée par des Sions, des Clions, Klingons. Ah, j'ai oublié le nom, peu importe. Puis là, ils réussissent à se sauver, mais pour se sauver, ils font tout le temps des bonds. Ils sautent d'un endroit dans l'espace à un autre endroit. Puis là, ils peuvent rester un petit bout de temps, se ravitailler, nanana. Puis quand les Sions ou les méchants arrivent, dont j'oublie le nom, ils ressautent à un autre endroit, tatata, puis ils sautent tout le temps comme ça. Puis en tout cas, c'est la flotte humaine est rassemblée, puis ils sautent. Mais dans le livre que j'ai là, Jack Campbell, La flotte perdue, je suis surpris, je sais pas si ça a été écrit, c'est en 2007. Puis Battlestar Galactica, il me semble que c'est vieux parce que la série... Il y a eu une première fois une série. Ouais, c'est ça. Fait que le monsieur, j'ai l'impression qu'il s'est inspiré de Battlestar Galactica, car l'histoire de la flotte perdue, c'est justement un groupe de genre, disons, les Terriens, qui combattent une autre gang d'humains dans l'espace. Puis là, ils sont comme invités. Ils invitent les méchants, bon, on va dire les méchants, ils invitent les humains à venir les voir, les autres Terriens. Et là, bon, ils les trahissent, puis il y a un commandant que ça fait, lui, 100 ans qu'il était dans l'espace, qu'il avait été cryogénisé, puis que là, en allant voir ces méchants-là, il le ramasse par hasard, puis là, il décryogénise, puis il revient comme à la vie, puis là, il est juste sur le vaisseau par hasard. Puis là, tous les gros dirigeants sont invités pour aller parler avec les autres, puis c'est supposé mettre fin à la guerre, mais finalement, c'est un traquenard, ils se font tous tuer. Puis là, par hasard, ben pas par hasard, mais malheureusement, celui qui a été ramassé dans l'espace, il devient celui qui est le plus haut gradé, il tombe en charge de la flotte, puis là, tous les autres, ils essayent de le tuer. Puis là, il réussit à se sauver en faisant des bons, comme dans Battlestar Galactica. Mais c'est vraiment bon. Je suis allé chercher, il y a 6 livres dans la première série. Il y a combien de pages? Il y a environ 400 pages. J'ai quasiment lu les 400 pages. Le premier soir, je suis allé lire. Je n'étais plus capable de m'endormir. Je lisais. J'ai lu 300 pages le premier soir, puis le lendemain, j'ai fini, puis j'ai continué. Là, je suis rendu à quoi? Je termine le deuxième. Fait qu'à chaque fois que j'embarque dans le livre puis je lis, je suis plus capable de débarquer. Fait que bon. Puis pourquoi... c'est ça. Donc, aujourd'hui, j'ai dit, il faisait beau. J'ai dit, je vais aller m'asseoir dehors pour lire mon livre. Puis je m'assois dehors. Puis là, je sens... Ça, il y avait une odeur bizarre. Ça sentait le brûlé. Ça sentait le brûlé, mais pas normal. Le brûlé plastique. Puis là, bon, moi, je suis assis dehors. J'ai mon livre et sur la table. Puis je regarde dehors. Puis je vois la maison de mon voisin. Tu sais, sur le toit des maisons, il y a des genres de gadgets pour laisser sortir l'air. Ça, c'est quand on construit une maison, on n'a pas le choix d'en mettre parce que quand il fait chaud l'été, ça permet à l'air chaud de s'évacuer. Puis bon, c'est pour garder la maison correcte. Parce que j'imagine si ça devient trop chaud dans l'entretoit, ça peut faire fondre le goudron des bardeaux ou quelque chose du genre. Donc, mais là, moi, c'est ça. Je vois qu'il y a de la fumée qui sort de par les deux auvents. Fait que là, j'ai dit, c'est pas normal. Là, je m'avance un petit peu sur mon terrain en arrière, je m'en vais voir. Puis là, je vois dans le coin de la maison, je vois de la boucane, puis je vois le feu. Fait que là, immédiatement, mon réflexe a été, j'avais mon téléphone dans les mains, j'ai fait 911, j'ai appelé, j'ai dit, la maison de mon voisin est en feu. Fait que là, la madame, elle me demande, y a-tu des gens dans la maison? Ben, j'ai dit, c'est mes voisins en arrière. J'ai dit, là, je vois pas, je sais pas. Ben, elle dit, allez voir, puis cognez dans la porte. Fait que là, je suis parti en courant. J'ai fait le tour du quartier, même le tour du faut que je... Il a fallu que je fasse le tour. Là. Il y a comme, faut que je repasse devant 15 maisons, puis me rende en arrière de chez nous. Puis là, je cognais fort dans la porte pour voir. Mais en arrivant là, j'ai vu qu'il y avait juste une voiture. Les voisins, ils ont deux voitures d'habitude. Puis là, j'ai cogné dans la porte, fort, fort, fort, puis là, ça répondait pas, fait que là, j'étais allé cogner chez les autres voisins qui ont leur maison proche, proche, proche. J'ai dit, je vais les avertir, là, il y a une maison en feu en ce moment, puis fait que là, le voisin, il parle juste anglais, il dit, je vais chercher ma femme, je reviens. Puis là, bon, en tout cas, eux, il y avait le numéro de téléphone de ces voisins-là, ils les ont appelés, puis ils leur ont dit, votre maison est en feu, puis à ce moment-là, les pompiers sont arrivés, je les ai dit, ces voisins-là, ils ont un chien. Je savais pas si le chien était avec les voisins ou pas. Bref, puis j'ai dit aux pompiers, j'ai dit, il y a du propane sur la galerie en arrière. Fait que le premier qui est arrivé là, pour évaluer le feu, ben tout de suite, je pense qu'il est allé en arrière, il a tassé le propane. Les pompiers sont arrivés. Puis là, ça leur a pris du temps avant de se brancher puis mettre l'eau. Puis dès qu'ils ont eu de l'eau, là, ils ont défoncé la porte, ils ont rentré en dedans, mais la maison était vraiment déjà en feu. Il y avait une fenêtre d'ouvert au deuxième. Puis là, l'air rentrait dans la maison par là, j'imagine. Puis un feu, ben ça se nourrit d'air. Puis là, c'était de la grosse fumée noire qui sortait. Puis ça s'est passé quand même assez vite. Moi, je me suis rendu compte que le feu sortait de la maison. J'ai couru, puis 7 minutes après, les pompiers étaient là. Ils ont défoncé. J'imagine, été voir s'il y avait, si le chien était là, mais non. Ils n'ont pas sorti de chien brûlé. Puis finalement, la maison a brûlé au complet. C'est une perte totale parce que le feu s'est insinué dans les murs, dans tout ça. Ça a duré 6 heures environ. Puis là, toutes les fenêtres ont explosé. Les murs, il y a comme deux murs en arrière qui s'est défoncé. Puis des gros trous, là, plus gros qu'un humain. Là. Ça a brûlé, ça a tombé à terre. Les pompiers ont dû défoncer pour aller arrêter le feu dans l'entretoit. Il y avait des feux. Surtout du côté droit de la maison, ça brûlait. Fait qu'ils ont tout défoncé pour arrêter le feu. Là, les pompiers sont partis. La maison ne brûle plus, mais bon, c'est sûrement une perte totale. Il y a eu de l'eau, dehors, ils arrachaient même les bardeaux là, en plastique. Parce qu'eux, ils devaient vraiment enlever tout ce qui brûlait. Fait que toute la maison est vraiment, vraiment capoute. Donc, c'est ça. tout ça parce que j'ai ramené un artefact maudit lié au centre chez nous. Heureusement, moi, vu que j'ai placé dans mon artefact maudit, là, qui est lié au centre, proche de mon chapelet qui est béni, je pense à protéger ma maison. Mais bon, l'aura était tellement forte que c'est la maison des voisins qui ont passé. Et voilà. C'est triste. Sinon, je voulais vous parler... Bon, est-ce que je me prends au sérieux avec ça? Non, mais ça me fait toujours des belles histoires. Il m'arrive toujours des choses. Pas capable d'être tranquille puis de lire mes livres dehors. Il faut que la maison du voisin passe au feu. Sinon, je voulais vous parler du film Catal. C'est un autre film là, qui est en indien sur Netflix. अंकल जी की लाश कहाँ है सर? एसपी 15-15 किलो के दो अंकल अंकल नहीं कटहल चोरी है गए सर ये तो कोई केस ही नहीं बनता है कल को लोग कुमड़ा लौकी तुरई की रिपोर्ट लिखवाने आ जाएंगे प्लीज कोऑपरेट एमएलए के घर में चोरी है सर तो आम जनता का तो बंटाधार है वो तुमको और फोर्स चाहिए गोला बारूद जो चाहिए मांग लो लेकिन कटहल मिलने चाहिए सर मंडी से दो कटहल खरीद के चांदी के पेपर में रैप करके सर प्रेम पटीरिया जी को पकड़ा देते कि हमारे कटहल ऐसे बेडोल नहीं सोडोल हते मथुरा में रहना है दो राधे राधे कहना है सुख चैन से जीना है दो राधे कि avec des sous-titres en français celui-là il me semble. Je vous avais dit la semaine passée que j'allais l'écouter, que j'avais les 10 premières minutes d'écouter. Puis bon, c'est un bon film. Quand je suis embarqué dedans, j'ai pas réussi à redébarquer. Je l'ai écouté jusqu'à la fin, même s'il était tard dans la nuit. En gros, c'est l'histoire d'une policière. C'est un film un peu macho. Là. Ceux qui sont le chef de la police, ils envoient cette femme-là enquêter chez un député parce qu'il s'est fait voler deux fruits du jacquier. Puis là, les deux gars, ils prennent pas ça au sérieux, vraiment, eux. Puis là, ils disent à la jeune dame qui est capitaine, ils lui disent « Bon, prends en charge l'enquête. » Puis en plus, c'est un député qui est chialeux. Ils veulent comme pas avoir affaire à lui. Puis ils donnent l'enquête à la femme. Puis là, la femme... Puis en gros, l'histoire, je veux pas vous la raconter au complet, là, mais elle se met à enquêter. Bon, ils soupçonnent plein de choses. Puis ça va exactement, comme je vous dis, ça va jamais où on pense que ça va aller. Puis finalement, toute cette enquête-là, qui est un petit peu niaiseuse, va permettre d'élucider une grosse affaire compliquée. Finalement, ça devient une belle histoire d'enquête et vraiment bonne. Je vous conseille de l'écouter. Je ne vais pas vous vendre aucun punch au cas. Je ne sais pas il y a combien de gens qui écoutent le Lobster et qui suivent mes conseils, mais moi, j'ai vraiment aimé ça. Ça s'appelle Catal, K-A-T-H-A-L. Un beau petit film sympathique où on voit une jeune femme faire une enquête. Puis en plus, il y a l'homme qu'elle aime, il est comme... Lui, il n'est pas enquêteur. Il est comme un niveau plus bas qu'elle. Puis là, en Inde, ça crée plein de problèmes. Elle a de la misère à le courtiser parce qu'elle est son supérieur. Fait que, au cours de l'enquête, il y a toute cette portion-là un petit peu amoureuse. Là, j'ai l'impression que dans tous ces films indiens que j'écoute, il y a comme une trame. Il y a toujours une petite histoire d'amour aussi qui tourne. Puis bon, il y a la résolution de cette histoire-là aussi au cours de l'enquête. Fait que c'est beau. C'est bien fait. Puis... C'est encore là, dans un film Hollywood, ils finiraient ensemble à s'embrasser, puis nanana. Mais ça se résout pas comme on pense. En tout cas, c'est vraiment beau. Donc voilà, Catal sur Netflix. Vous savez, j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis quelques temps. Habituellement, c'est les teubes qui trottent dans ta tête. Des teubes de chevaux, du coup, si elles trottent. Ça vous fait rire, mais en attendant, je suis sûr que vous savez pas ce qui est rouge et qui est mauvais pour les dents. Non, c'est quoi? C'est une brique. Ron, il y a un truc que je me demande depuis quelques temps. Tu veux savoir comment on dit grosse timbre en anglais? Non, si, par exemple, un roux a un frère jumeau. Bah ça va pas sentir la fraise et la groseille dans leur piole. Et encore moins dans leur caleçon. Je te le dis de suite, si c'est ça ta question de merde, t'as la réponse. Mais non, je voulais savoir, si un roux a un jumeau et qu'il y en a un des deux qui crève... Eh ben, il en restera qu'un. Putain, t'as pas inventé le P, toi. Soyez sérieux, j'aimerais savoir. Si un roux a un frère jumeau et qu'il crève, est-ce qu'on peut dire que c'était son roux de secours? Jake El Gallo Paul contre le plus gros dur à cuire de la planète, Mike Tyson. Ce combat épique est l'œuvre des dieux. Je vais terminer ce que j'ai commencé. Ça va être le match de boxe le plus regardé de l'histoire moderne. Et oui, Netflix a crashé hier soir durant le combat de Mike Tyson contre le Jake Paul. Au moment où il y avait plus de 120 millions de gens qui écoutaient le combat, Netflix a eu des problèmes parce que c'était trop de charges sur leur serveur. On est obligé d'écouter les... En tout cas, moi, ça s'est mis à tourner dans le bar, mais ça a tourné juste un petit peu, puis après ça, j'ai pu continuer à écouter le combat, mais la qualité d'image était diminuée. Donc, il y avait vraiment, vraiment du monde. C'est le combat de boxe qui va avoir été le plus écouté là, sur la planète depuis le début que ça existe, la boxe. Donc, c'est ça. Moi, hier... Comme je vous ai dit en début de podcast, j'étais allé jouer aux cartes hier soir. Puis dans la boutique où ce que je joue, chez Universal Collective à Vaudreuil, il y avait synthonisé Netflix. Le match, il y avait une grosse carte de boxe. Il y avait beaucoup de boxeurs qui boxaient là, durant toute la soirée. Fait que pendant qu'on jouait, ça jouait. Puis le gros match était... il l'avait annoncé pour 11h, Mike Tyson contre Jake Paul, mais bon, moi je suis retourné à la maison vers 8h30, puis en arrivant, bon, j'en parle à mon garçon, je dis, ah, je pense que je vais écouter ça, c'est un gros match, j'ai jamais vu Mike Tyson combattre. Mike Tyson, bon, c'est le meilleur boxeur au monde. Dans l'émission, là, hier, il montrait sa fiche, il a gagné 50 victoires, il a eu juste 6 défaites, puis sur ses 50 victoires, c'est 44 par KO. Puis c'est quasiment toujours dans le premier round qu'il mettait KO ses adversaires. Je me rappelle plus, il disait le chiffre hier, là, c'était 32 ou quelque chose du genre, sur les 44 que ça s'était passé avant dans le premier round, puis les autres c'était avant le quatrième. Ça n'a pas de bon sens. Il a vraiment une force de frappe, Mike Tyson. Puis quand le combat a commencé hier soir là, entre Mike Tyson et Jake Paul, on va en écouter un bout, là, parce que je vais vous montrer. Là, on croyait vraiment qu'il allait détruire Jake Paul, là. Mais bon, ça s'est pas passé comme ça. Non. C'est ça. Mike Tyson, quand il est arrivé sur la scène, tu sais, il présente, c'est un peu comme à la lutte, il présente les boxeurs, ils s'en viennent. Puis là, en s'en venant, on a vu qu'il a comme trébuché. Puis là, un peu plus tard, on a vu qu'il y avait quelque chose sur le genou. Il y avait déjà une blessure à la jambe, Mike Tyson. Bon, c'est sûr qu'il a 58 ans, là, il n'est pas jeune, là. Puis, mais ça, là, sa blessure à la jambe, il en a parlé plus tard, il dit « Ah, oh, ça ne m'a pas dérangé, là ». Donc, je pense que quand il s'en venait, il s'est juste accroché dans un tapis ou quelque chose. Donc, ça n'avait pas rapport. Puis, bon, le combat, Mike Tyson, au début, il a dominé pendant 2 rounds sur les 10. C'était des rounds de 2 minutes. C'était 8 rounds de 2 minutes. D'habitude, c'est plus long que ça, là, tout ça. Mais là, vu que Mike Tyson est rendu vieux puis qu'il se faisait un retour, il avait signé pour des rounds moins longs. Et, bon, la bourse en jeu, ça n'avait aucun bon sens. Le gagnant remportait 40 millions et le perdant 20 millions. Fait que Mike Tyson a empoché 20 millions puis Jake Paul 40 millions. Mais bon, Jake Paul, lui, c'est comme sa compagnie à lui qui produit tout ce spectacle-là. Là. Il a parti un organisme de boxe. Là, où, non, ben, je ne sais pas exactement, là, mais il y a une compagnie qui produit des shows de boxe. C'est ça que je voulais dire. Puis il paraît que c'est quand même assez bien parce que lui, quand il produit des choses, il donne des grosses bourses, puis autant hommes, autant que femmes. Et là, hier, je vous en parle après, là, mais le combat le plus intéressant, c'était justement les deux femmes qui ont passé juste avant Mike Tyson. Donc, pour Mike Tyson, le combat s'est déroulé sur les 8 rounds. Les deux premiers ont été dominés par Mike Tyson. On voyait qu'il avançait, puis moi, je me disais, s'il faut qu'il frappe juste une fois, c'est sûr que l'autre, il tombe à terre. On voyait que les coups qu'il portait, là, il est massif, puis c'était des coups de tueur, là. Je pense que c'est ça qu'il a essayé. Vu qu'il est vieux et qu'il savait qu'il vers la fin serait moins bon, il a essayé de le mettre KO tout de suite au début. Fait que dans les deux premières rondes, il a tout donné. Puis après ça, oh là, ça s'est dégradé parce que l'autre est plus grand. Il mesure 6 pieds 3, Jake Paul, je pense. Puis il a beaucoup plus de portée avec ses mains. Fait que Mike Tyson, pour les rondes 3 à 8, n'a quasiment pas reporté de coup parce que Jake Paul, il l'a atteint plusieurs fois, puis je pense que ça l'a sonné un petit peu. Veux pas, c'est un vieux monsieur de... Ben, c'est pas un vieux, là, mais c'est un monsieur de 58 ans, puis qui se fait frapper fort dans le ventre, sa tête, sa tempe. C'est ça. Il avait mis des gants qui marquaient de 14... je connais pas ça, la boxe. C'est la première fois que j'écoutais de la boxe, mais 14, 11, ils disent que c'est des gants un peu plus épais, donc qui amortissent un peu plus les chocs, mais quand même, les... Ces deux boxeurs, là, quand tu reçois un coup, là, ça fait, on voit la tête qui revole. Puis, hey. En tout cas, c'était fort. Puis vers la fin, on avait peur que Jake Paul y mette Mike Tyson pour la première fois à terre. Puis ça ne s'est pas produit. Mais vers la fin, Mike Tyson, il faisait juste toffer. Puis bon, vers la fin, l'autre, il a comme arrêté d'y frapper dessus. On voyait qu'il a ralenti, il a comme donné une chance. Puis le combat, dans le dernier round, il s'est pas rendu à la fin. Jake Paul, il a été bon joueur, il a baissé les gants. Puis il a fait comme un salut à Mike Tyson en vous disant « c'est toi le roi de la boxe ». Puis ça a arrêté là, comme ça. Puis c'est quoi Mike Tyson? À la fin, il a dit, l'animateur lui a demandé là, qu'est-ce que tu penses de ton combat? Il dit, moi, je suis heureux. J'ai rien à prouver à part à moi-même. Puis là, ce qui est drôle, c'est que l'animateur il a demandé Mike Tyson, c'est-tu fini? Tu reviens-tu pour c'est-tu ton dernier combat à vie? Puis il dit non. Il dit, je dis pas non. Puis sur la scène, il y avait le frère de Jake Paul, il y avait Logan Paul qui était là. Puis Logan Paul, il a comme lancé un défi, puis Mike Tyson a répondu... Ou c'est Mike Tyson qui a lancé... Ah oui, c'est ça, c'est Mike Tyson qui répondait à Jake Paul. Il dit, ah, moi, pas de problème, j'affronterai ton frère aussi. Puis Logan Paul a répondu, hey, moi, je te tuerai, en blaguant. Fait que j'ai l'impression que ça, c'était organisé parce que j'ai l'impression qu'ils vont justement refaire un autre combat parce que ça a attiré vraiment du monde. Ça a attiré 123 millions, plus de 120 millions là, de personnes. Fait que je pense que ce bout-là où que Mike Tyson va revenir se battre contre son frère, je pense que c'était prévu d'avance. Ben, en tout cas, ils n'ont pas annoncé qu'ils se battraient, là, mais ils se sont laissés la place. C'était comme une invitation à ça. J'ai l'impression que c'était organisé. OK, j'ai enregistré le premier round du match. On l'écoute juste pour vous montrer à quoi ça ressemblait. On commence au moment où il présente Mike Tyson, puis le combat débute, puis que l'animateur est super enjoué, puis il pense qu'il va le sacrer à terre. Mais j'arrête après un petit bout de temps, parce que ça donne rien. Après ça, c'est décevant, puis on a peur que Mike Tyson tombe à terre. Donc, on écoute ça. And now his opponent... l'entendre, mais oui, Mike Tyson est bien présent. Les dernières instructions de Mark Calloy, l'arbitre de ce combat. Stop whatever you're doing and listen to my commands. Punches in this area and up will be considered legal. punches in this area and up will be considered legal. Chuck and want this. Ça vient juste une précision avant que ça commence. C'est pas un combat d'exhibition. Ah non, il est sanctionné, mais uniquement par la commission de boxe du Texas. Donc il comptera comme un combat professionnel au Texas. Allez, c'est parti. Petit hommage une dernière fois, et c'est important pour moi, pour nous, Brahim, à Charles Bietri, voilà, qui a commenté quasiment tous les matchs, hein, de Mike Tyson dans sa carrière et qui combat, au développement de la boxe en France. Et qui combat la maladie de Charcot. On sait qu'il regarde encore les combats. Il m'arrive très souvent d'échanger encore par texto avec lui. On l'embrasse très fort et on lui dit aussi que ce combat, c'est pour lui. Ready? On y est, c'est parti. Jake Paul El Gallo, l'enfant terrible de la boxe, affronte Mike Tyson qui est au-dessus de presse. Ah, il paraît massif, hein, Mike, par rapport à Jake Paul, hein, Brahim. Regardez comme il avance. Ouais, on connaît cette qualité, hein, tout de suite d'être agressif et d'être sur ses adversaires. Ah, il essaye de tenir la distance, hein, Jake Paul. On ne sait pas s'il est capable de prendre des coups. Mike Tyson a 58 ans. Ouais, bonne gauche. Frappé, ça on le sait. Encaissé, il a eu trop chaud encore. Oh, attention, oh, cette droite. Arrière. J'ai tué Mike. Mike est toujours présent. Ouais, il est là, il avance. Et il veut le cadrer. Ouf, ça part de loin, bravo. Come on, work yourselves out. Work yourselves out. Stop, nobody punch. Take a step back. Let him go, Mike. D'un seul coup, c'est plus la même. Hein. Et Mike Tyson, il l'a toujours dit. Hein. On parle, jusqu'à ce qu'on se retrouve face au tonnerre. Work yourselves out, gentlemen. Work yourselves out. Stop, nobody punch. Regardez cette expérience sans se précipiter. I need you, gentlemen, to box. On sent qu'il est capable. Hein. On sent qu'il est capable et non, il est pas capable. Non, mais c'était intéressant. C'était un combat historique quand même. Moi, j'étais content. J'avais jamais vu Mike Tyson combattre. Mais c'est sûr, c'est pas un de ses meilleurs combats. Là. Mais c'était l'événement. C'était beau. C'était le fun à voir. Mais c'est ce qui s'est passé avant. Les deux femmes là, que je vous parlais, je voulais vous revenir. Ah, mais avant, je voulais vous... Pour ceux qui savent pas, c'est qui Jake Paul? Là. C'est un influenceur. Acteur en même temps. Qui est rendu combattant de boxe depuis 4 ans au niveau professionnel, qui s'est entraîné. Fait que c'est pas un gros boxeur, lui. Puis tous les gens qui... Il combat contre des gens qui sont rendus en fin d'âge, tout ça, là. Qui, des vieux combattants du MMA ou tout ça. Fait qu'il... C'est pas un très bon combattant, mais c'était correct pour s'affronter Mike Tyson, qui est rendu vieux. Ça donnait un combat là, normal. Non, mais le beau combat qu'il y a eu, c'est juste avant Cathy Taylor contre Amanda Serrano. C'était un combat de super léger. Mais eux, ça avait pas de bon sens. Cathy Taylor, je pense, elle a gagné aux Olympiques. Puis Amanda Serrano, qui vient de Porto Rico, elle, c'est une professionnelle de la boxe. Là, super léger. Puis... C'était comme un combat revanche entre ces deux-là. Mais eux autres, c'est un vrai combat. Ça avait aucun bon sens. Katie Taylor est gauchère. Écoute, moi, c'est la première fois que j'ai écouté un combat de boxe. Là. J'ai été obligé de détourner l'écran. Parce que j'avais de la misère à supporter certains moments. Là, quand ils se mettaient... Parce que Katie Taylor, je ne sais pas si ça fait partie de sa tactique, mais vu qu'elle est gauchère, des fois, elle penche sa tête. Puis quand elle revient puis qu'elle frappe avec son gauche, elle relève la tête en cognant l'autre de sa tête. Puis là, ce qu'il disait, Amanda Serrano, quand elle l'avait affrontée une autre fois, c'était la première fois qu'elle se faisait blesser au visage parce que dans tous ses combats, parce que l'autre, il donnait des coups de tête. Bien là, lors du combat hier, elle l'a refait encore plusieurs fois, Cathy Taylor. Puis à la fin, parce que c'est Cathy Taylor qui a gagné, là, l'entraîneur d'Amanda Serrano, il est venu parler puis il était fâché contre l'autre clan. En disant que c'était pas un combat propre, à donner plein de coups de tête, c'est sa tactique. Mais ce que les commentateurs disaient, ils disaient, la boxeuse qui se battait contre là, Amanda Serrano, elle sait que l'autre elle donne des coups de tête, elle sait qu'elle les donne tout le temps quand elle penche la tête puis qu'elle remonte, fait qu'elle pouvait quand même essayer de les éviter, mais bon, c'est pas du beau combat. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a donné plusieurs des coups de tête, puis elle l'a pogné au-dessus de l'œil avec sa tête. Ça l'a ouvert au niveau de l'arcade sourcilière, et à mesure qu'elle frappait dessus, ça ouvrait. Puis à un moment donné, là, il était plus sûr si le combat allait poursuivre. Là, ils ont parlé au docteur. Ils se demandaient si le docteur allait arrêter le combat parce que c'était ouvert, immense. Là. J'aurais pu rentrer mon pouce. Évidemment, il y avait du sang sur la d'en face. Il y avait du sang qui coulait dans sa face, l'autre. Mais bon, il avait l'air à mettre des produits, puis ça arrêtait de saigner, mais veux pas, tu te fais frapper d'en face. Ça recommence à saigner. Fait que là, ça. Puis on voyait qu'elle était fâchée, là, Amanda Serrano. Mais c'était pas beau. Moi, je virais l'écran. Fait que moi, j'aimerais pas. Je réécouterais pas de boxe. Je pense pas. Là, je pense pas aimer ça. C'est trop violent pour moi. Là, mais tu voyais, je me disais, mon dos, là, elle va se faire défigurer. Ça elle va avoir. C'est sûr qu'elle il disait qu'elle va avoir besoin d'au moins 10 points de suture tellement c'était ouvert. Là. En tout cas. Vous me donnerez vos commentaires. S'il y en a qui veulent m'en parler, qui l'ont écouté, qu'est-ce que vous avez pensé de ce combat de boxe-là? Moi, j'ai écouté, comme je vous dis, juste les deux derniers, les femmes et Mike Tyson que je voulais voir. Je crois que si on veut s'intéresser à ça, ça serait plus le fun d'aller voir sur YouTube un vrai combat de Mike Tyson pendant ses meilleures années. Parce que durant... Juste avant qu'il combatte, il montrait justement, il faisait une revue de sa carrière à Mike Tyson. Puis il nous montrait, c'était fou, là. Tu voyais qu'il fonçait tout le temps sur les gens, puis ça prenait quelques secondes, puis il était le sacré à terre. Même les plus forts, même les plus gros que lui. Puis c'est ça qu'il a essayé de faire hier durant le premier round. Tout de suite, tu l'as vu foncer. Puis il aurait fallu juste d'un coup, il semble tellement puissant des épaules. Là. Quand il cognait, une chance que l'autre ait évité, parce que je me dis, s'il faut qu'il frappe une fois, c'est game over. Mais c'est ça, l'autre, plus jeune, plus en forme, puis il a réussi à éviter, puis vu qu'il est plus grand, plus longue portée, fait qu'il est resté loin tout le long du match par la suite. Ça n'a donné aucune chance à Mike de le mettre KO. Donc voilà, on repart en musique et au retour, on verra. Je ne sais pas si j'ai encore des choses à dire, sinon ça sera le mot de la fin. Donc on écoute un petit peu de musique. Je crois qu'on va écouter Claude Dubois avec le blues du Businessman. On écoute ça. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour, je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la Terre. Je peux pas supporter la misère. Moi, es-tu heureux? Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de des affaires. J'ai réussi, j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Dans la vie, on fait ce qu'on veut, pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être un artiste. Pour tous les jours. voir le monde à refaire pour pouvoir être un anarchiste et vivre comme un millionnaire et vivre comme un millionnaire. J'aurais voulu être un artiste. Love Star 156.0. Et avant que j'oublie, mon frère m'a envoyé une blague pour le Lobster. Je vous la passe. Je l'ai fait lire par l'intelligence artificielle. S'il y en a qui sont intéressés à jouer avec l'intelligence artificielle, il y en a une qui permet de générer des voix. Puis tout ça, c'est gratuit. Attends, si je retourne ici. OK. C'est sur 11labs.io. Donc, je le redis là. 11, le chiffre 11, 11labs.io. Puis, on peut l'essayer. Quand on arrive sur leur page, c'est comme gratuit si tu mets les choses là puis tu l'essayes. Mais après un petit bout de temps, ça bloque. Ça dit vous avez utilisé le nombre de tests que vous pouviez faire. Mais si vous avez un VPN, faites juste changer d'adresse IP puis c'est vider la cache de votre browser puis ça reset. Fait que tu peux l'utiliser à volonté quand tu as un VPN. Fait que moi, je l'utilise comme ça. Sinon, il faut payer par mois puis ça coûte assez cher ces outils-là. Donc, c'est gratuit si tu as un VPN puis que tu switches d'adresse IP. Donc, on écoute tout de suite la blague que mon frère m'a envoyée. Augustin, j'ai une bonne blague pour toi. Qu'est-ce qu'une gousse d'ail jetée contre un mur? Je ne sais pas, Alice. Allez, dis-moi. C'est le retour du Jedi. Ah ah ah! Alice, comme tu es drôle. Je suis mort de rire. Ah ah ah! Je vais mouiller ma salopette tellement tu es drôle. Miam! D'accord, écoute celle-là. C'est un chien qui entre dans une boulangerie et demande une baguette. Le boulanger, surpris, lui donne. Le chien sort, traverse la rue et bam, une voiture le renverse. Le boulanger arrive en courant et s'écrie « Mais pourquoi il ne regardait pas ?» Et là, un passant répond « Il n'avait pas les moyens d'acheter un chien guide. » « Ah ah ah, tu me trouves drôle, Alice ?»« J'espère, car moi je me trouve hilarant. » Miou. Ou poufa. Ah, bravo, vraiment. Un chef-d'œuvre de l'humour moderne. Je suis éblouie par la profondeur philosophique de cette blague, tellement que j'envisage de la soumettre pour un prix Nobel. Idiot? Non, voyons, c'est bien plus. C'est une symphonie d'absurde et de non-sens. Vraiment, félicitations. Ça m'a tellement pas fait rire que je me demande si j'ai raté ma propre existence. Allez, dis-moi que tu prépares une tournée mondiale. Voilà, c'est pas mal ça, la blague que mon frère m'avait envoyée. Puis après ça, je me suis mis à mettre des niaiseries dans l'intelligence artificielle, comme j'aime bien faire. Sinon, en terminant, de quoi on pourrait bien parler? Eh bien, je suis... Je suis allé sur la page de Vatican News. C'est la page du pape. Ben oui, le pape, là, c'est rendu sur Internet, ça. Des fois, on a déjà parlé, je pense, de Vatican News. Puis là, ils sont rendus avec plein de podcasts. Dernièrement, le pape, pas le pape, là, mais le Vatican, ils ont même sorti un personnage là, qui les représente. Puis c'est un genre de personnage manga qui est super cute. C'est une petite femme. Mais là, j'arrive pas à le retrouver. J'aurais aimé ça vous en parler. Si je retrouve, je vous en parlerai dans le prochain podcast. Puis c'est drôle. Sur le site du Vatican News, il y a toutes sortes de podcasts. Il y a des podcasts préparés spécifiquement pour l'Afrique. Il y a la prière du jour, il y a plein d'affaires. Alors, je pense qu'on va se laisser là-dessus, sur un de ces petits bouts de podcasts. Ça dure 5 minutes et ça parle de quoi? Ça parle du synode. Et oui, si vous ne savez pas c'est quoi un synode, eh bien, demandez à ChatGPT. Donc là-dessus, bonne fin de Lobster et je vous laisse avec mon ami le Pape. Sarah, dis-moi, toi qui sais tout et qui as une belle bouche en forme de cul d'écureuil, c'est quoi un synode? Jérôme, avant de te répondre, je veux te remercier pour ta question et te dire que j'ai toujours trouvé que, quand tu marchais, tu avais l'air d'un nain asthmatique qui sort d'un marathon. Ah ah ah! Mia! Sérieusement? Toi qui marches comme une princesse, sauf qu'elle aurait perdu les deux talons et un peu de dignité? Bon, voici ta réponse, connard. Ouh, babou! Un synode est une assemblée de responsables religieux, principalement chrétiennes, réunis pour débattre de questions doctrinales, pastorales ou administratives. Issu du grec synodos, chemin commun, il existe dans diverses traditions comme l'Église catholique, où il peut être local ou mondial, ou les églises orthodoxes. Le synode promeut la collaboration et la réflexion collective sur des enjeux importants pour la communauté de foi. Le père jésuite Martin Bahati poursuit la présentation du rapport des synthèses de la première session du synode sur la synodalité, rapport publié le 28 octobre 2023 à l'issue des travaux. Mes chers frères et sœurs, nous continuons à lire le rapport des synthèses de la première session de la 16e Assemblée générale ordinaire du synode des évêques tenue à Rome du 4 au 29. Le synode Pibouin était un conclave para-religieux ayant lieu toutes les 5 années. La peur qu'il inspira fut proportionnelle au bienfait qu'il engendra. C'est toujours la religion du stup, ils ont pas évolué du tout. C'est encore la même chose. Moi j'en ai marre. Joël, approche-toi. Oh. Viens par ici. Oui. Mais croyais-tu sincèrement que la religion du stup pouvait s'éteindre? Mais non, maître, jamais je n'ai eu de telles pensées. Leur arrogance fuit tel un astre malsain. Ils tracent leur chemin sans se soucier du bien commun. Les cosmocréas sont tous en passe de réussir. Nous les châtirons, mais il est trop tôt pour se réjouir. Unissons nos forces sans un ultime effort. Baillonnons les hyènes qui prônent la loi du plus fort. Réunion des fidèles pour créer l'étincelle. Saluons nos confrères. Commençons la prière. Réunion des fidèles pour créer l'étincelle. Saluons nos confrères. Commençons la prière. Leur rancœur se propage, nous l'avons lu dans les nuages. Leur règne sans partage, nous en connaissons les rouages. Ils se sont servis des incultes. Les humains les ont cru, leur victoire sonne comme une insulte. Nous avons choisi la transe et nous connaissons nos droits. Vanité, possession, nous n'y croyons pas. Le groupe initial choisit la prose et l'hypnose. Bannir les chiens, telle est notre cause. Réunion des fidèles pour créer l'étincelle. Saluons nos confrères. Commençons la prière. Réunion des fidèles pour créer l'étincelle. Saluons nos confrères. Commençons la prière. La Basta Stelia n'en a pas fini de souffrir. Nos divisions tuent, n'ayons pas à en rougir. Nous sommes différents, nos idées sont aux antipodes. Oui, nous les punirons, ils ne sont que gastéropodes. Ils partent en randonnée sans attendre les plus faibles. Ne respectent rien, ni le blé, ni le seigle. Tellement facile de faire appel aux bas instincts. Nous les traduirons au sein du synode Pibouin. Pour créer l'étincelle, saluons nos confrères. Commençons la prière. Réunion des fidèles. Crois-tu sincèrement que la religion du stup pouvait s'éteindre? Non, maître. Ils disent qu'ils redistribueront, c'est ce qu'ils veulent te faire croire, mais tu n'auras accès ni aux soins ni au savoir. Ils te reprocheront tes faiblesses, l'oisiveté. Ils te feront payer s'ils te surprennent à méditer. Nous les haïssons, mais nous resterons de marbre. Nous les annihilerons par une seconde danse macabre. Nous serons tous prêts quand résonneront les cymbales. Le synode pivoin scellera leur pierre tombale. Réunion des fidèles pour créer l'étincelle. Saluons nos confrères. Commençons la prière. Réunion des fidèles pour créer l'étincelle. Commençons la prière. Vous la connaissez, l'histoire du mec qui arrive en enfer? C'est celui qui se finit dans les kebabs? Non, lui doit être au paradis. Il est accueilli par Satan, en personne. Avec un kebab? Non, un jambon beurre. Et là, Satan lui dit, t'aimes bien fumer des clopes, le cigare, etc. Le mec lui répond, oui, alors tu vas t'éclater, lui dit Satan. Le lundi, c'est à volonté. Tu peux fumer toutes tes clopes. Et tous les cigares que tu veux. Oh, mais ça va être un feu de forêt, le gars, à la fin. Ensuite, Satan lui dit, t'aimes boire? Et l'autre lui répond, ah oui, beaucoup. Alors tu vas te régaler, parce qu'il y a tous les alcools du monde ici, et c'est le mardi, à volonté. J'ai des potes, c'est des tonneaux. Ah, je peux te dire qu'ils kifferaient ça de ouf. Et puis Satan lui demande s'il aime les drogues. Alors tout excité, il lui dit, ah oui. Tu m'étonnes. Ça m'excite. Il lui dit, ça c'est le mercredi, tu pourras te foncer autant que tu veux. Oh, le délire, mais c'est gratuit au moins. Bien sûr. Alors le mec est trop content. Et Satan lui dit, sinon, t'es gay? Et le gars lui répond, ah non, ça par contre pas du tout. Et Satan lui dit, ah, alors tu vas détester le jeudi. Vous la connaissez, celle du mec qui est mort et qui arrive chez Saint-Pierre? Oh, mais non, mais il est mort de quoi, le pauvre? Oh, bah, dans son sommeil. Mais le mec dit à Saint-Pierre, mais j'ai encore plein de meufs à dérouiller, il faut que je retourne sur Terre. Il a qu'à l'envoyer à la Jonquera, il y a de quoi se refaire là-bas. Oui, mais Saint-Pierre lui dit qu'il renverra sur Terre sous la forme d'une poule. D'une poule? Alors il se retrouve sur Terre à côté d'une autre poule et il lui dit qu'il a mal au ventre. Mais la poule lui répond, t'inquiète, c'est juste que tu vas pondre un œuf. Alors le mec force et pond un œuf. Ah, ça a dû lui faire mal au cul. Et là, sa femme lui met une grosse baffe de forain dans la gueule en lui disant, réveille-toi, connard! T'es en train de chier dans le lit! Chut! Tu fais rien dit? La ferme! Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. C'est le bruit, là. Je crois que c'était du code. Quel code? Les codes des éclaireurs. Le code des éclaireurs? Mais je le connais, moi, c'est la vipère et la chouette. Non, c'est le mot de passe. Mais alors le code, c'est quoi? Le code, c'est le code. Le code, c'est le code? Ça va, ils sont pas trop cassés le bonnet pour le trouver, celui-là. Alors comme ça, d'un coup, on a besoin de nous. Il y a du grabuge, alors on appelle les deux couillons. Tout le monde est mort, boum, on ressort les débiles. On met les glandus à profit. Ouais, bah en fait, c'est pas loin d'être ça. Tous les éclaireurs sont morts. Alors nous, avant d'attaquer, on a besoin d'un renseignement ultime sur les positions ennemies. Ah mais non. Non, laissez tomber, sire. La cible est trop loin, ils connaissent pas le code. Ah merde. Quel code? Et qu'à nous l'apprendre, le code. Mais le code, c'est pas le code? Vous apprendre le code? Et alors? On n'est pas spécialement plus con que les éclaireurs. Surtout qu'eux, ils sont morts, c'est pas la peine de la ramener. Alors voilà. Les éclaireurs, pour se parler... Écoutez bien, parce que sinon vous allez rien piger. Pour se parler à distance, ils tapent sur des bouts de bois, et suivant la façon dont ils tapent, ça veut dire un mot. Non, déjà là, ils sont aux fraises. Mais bon Dieu, faites un effort, on a besoin de vous. Bon, on va commencer par un exercice simple. Prenez vos bouts de bois. Un coup, c'est pour oui. Deux coups, c'est pour non. Ça va, c'est quand même abordable jusque-là, non? Alors, un exemple pour vous, Perceval. Est-ce que vous avez bien mangé à midi? Bah oui. Non, en code. C'est un bruti. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce que vous avez mangé à midi? Non, mais c'est vous qui me demandez. À midi, on a mangé de la merde, je vois pas l'intérêt d'en reparler. Un coup pour oui, deux coups pour non. Ça y est, c'est bon? Je reprends. Vous répondez en tapant sur le bout de bois. Est-ce que vous avez bien mangé à midi, Perceval? Oui, mais j'aime pas les harengs. Et vous le faites exprès? Vous me dites répondez en tapant. Ah, mais si, j'ai pigé. Faut pas parler, c'est ça? Évidemment que non. Putain, mais faites un effort, je vous en supplie. Non, mais c'est bon, j'ai pigé. Posez la question. Est-ce que vous avez bien mangé à midi? Qu'est-ce que ça veut dire, trois coups? Ah, mais faut que ça veuille dire des trucs. Un coup oui, deux coups non. Ah. On reprend. Est-ce que vous avez bien mangé à midi? Vous avez bien mangé? Non. Eh ben! Mais Mais c'est pas moi qui suis en cuisine, qu'est-ce que j'y peux? Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'on a mangé à midi? Bon, c'est bon, on est prêt. Ouais, vachement. Comme quoi, quand on prend le temps de nous expliquer... Un dernier petit essai pour la route. Allez-y, sire, balancez une phrase. Les framboises sont perchées sur le tabouret de mon grand-père. Voilà, c'est ça. Allez, bonne chance. Attendez, juste un dernier truc. Comment on dit « on est dans la merde, venez nous chercher » ? Non, mais il n'y a pas de raison qu'on soit dans la merde. Hein.